Putain, ma douce, putain, j'ai le courant de ton corps qui épouse les lignes de mes yeux. J'ai ton odeur de charnier quand les paupières fermées, je m'imbibe le visage de tes saveurs fanées. Comme une jeune fille, déjà trop vieille et battant les cils dans un mouvement inutile. Putain, ma douce, putain, qui de l'amour n'a pas le goût, ni la moindre ressemblance. Je reconnais pourtant que c'est doux quand tu me redonnes l'enfance. Une sorte de jeunesse, un passé rempli d'ivresse et peut-être un peu d'amertume. Je parlerai de peut-être de toi dans mes confessions posthumes. Putain, ma douce, putain, je me noie dans une flaque de boue. J'ai les marques de tes coups de fouet. Mon âme de toi est émasculée, puisque tu as fait de moi un pantin désarticulé. J'ai vendu mon âme à je ne sais quoi. Autant continuer dans le rythme, je ne la récupérerai pas. Putain, ma douce, putain, à cette baisse sordide, j'offre enfin un hommage. Car tu me laisses livide dans un bateau en naufrage. Et si la génération de frustrés que nous sommes arrive à tenir jusqu'à demain, je leur souhaite alors qu'ils seront des hommes, de connaître eux aussi ma douce putain. Ma douce putain. Ma douce putain. Ma douce putain. Ma douce putain. Ma douce putain.